nous avons un recueil des lettres de Caius César à Caius Oppius et Balbus Cornelius, chargés du soin de ses affaires en son absence. Dans ces lettres, on trouve en certains endroits des fragments de syllabes sans liaison, caractères isolés, qu'on aurait jetés au hasard. Il est impossible d'en former aucun mot. C'était un stratagème dont ils étaient convenus entre eux. Sur le papier, une lettre prenait la place et le nom d'une autre. Mais le lecteur restitue à chacune son nom et sa signification. Il s'était entendu, comme je viens de le dire, sur les substitutions à faire subir aux lettres avant d'employer cette manière mystérieuse de correspondre. Le grammairien Probus a même publié un commentaire assez curieux pour donner la clé de l'alphabet employé dans les lettres de Caius César. Jadis, à Lacédémone, quand l'État adressa à ses généraux des dépêches secrètes qui devaient rester inintelligibles à l'ennemi au cas où elles seraient interceptées, on recourait à ce stratagème. On avait deux bâtons ronds, allongés, de même grosseur et de même longueur, polis et préparés de la même manière. L'un était remis au général à son départ pour l'armée, l'autre restait confié au magistrat, avec des tables de la loi et le sceau public. Quand on avait à écrire au général quelque chose de secret, on roulait sur ce cylindre une bande de médiocre largeur et de longueur suffisante, en manière de spirale. Les anneaux de la bande ainsi roulés devaient être exactement appliqués et unis l'un à l'autre. Puis, on traçait les caractères transversalement, les lignes allant de haut en bas. La bande, ainsi chargée d'écriture, était relevée du cylindre et envoyée au général au fait du stratagème. Après la séparation, elle n'offrait plus que des lettres tronquées et mutilées, des corps et des têtes de lettres, divisées et pares. Aussi la dépêche pouvait tomber au pouvoir de l'ennemi sans qu'il lui fût possible d'en deviner le contenu. Quand elle était arrivée à destination, le général, qui connaissait le procédé, roulait la bande sur le cylindre pareil qu'il avait, depuis le commencement jusqu'à la fin. Les caractères, que ramenait au même point l'égalité de volume du cylindre, correspondaient de nouveau et présentaient l'ensemble d'une lettre complète et facile à lire. J'ai encore lu, dans une vieille histoire de Carthage, qu'un personnage élu de cette ville, je ne me souviens pas s'il s'agit d'Asdrubal ou d'un autre, recourut à l'expédient qui suit pour dissimuler une correspondance sur des secrets importants. Il prit des tablettes neuves qui n'étaient pas encore enduites de cire. Il écrivit sur le bois, puis étendit la cire par-dessus selon l'usage et envoya les tablettes, où rien ne semblait écrit, à son correspondant, qui, prévenu, gratta l'enduit et lut aisément la lettre sur le bois. On trouve encore dans l'histoire grecque un autre stratagème, vrai chef-d'œuvre de ruse et digne des barbares. Il fut imaginé par Histier, né en Asie, d'une famille assez illustre. Darius y régnait alors. Cet Histier, établi chez les Perses à la cour de Darius, voulait faire passer secrètement à un certain Aristagoras des nouvelles importantes. Voici le curieux moyen de correspondance auquel il eut recours. Un de ses esclaves souffrait depuis longtemps des yeux. Sous prétexte de le guérir, il lui rase toute la tête et trace des caractères par des piqûres sur la peau mise à nu. Il écrivit ainsi ce qu'il voulait. Il garda l'homme chez lui jusqu'à ce que sa chevelure eût repoussé. Alors, il l'envoie à Aristagoras. « Quand tu seras arrivé, lui dit-il, recommande-lui bien en mon nom de te raser la tête, comme je l'ai fait moi-même. » L'esclave obéit, se rend chez Aristagoras et lui transmet la recommandation de son maître. Celui-ci, persuadé qu'elle ne lui est pas faite sans motif, s'y soumet. C'est ainsi que la lettre parvint à son adresse.